Seigneur, il m'a donné. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. Ah, un vieillard, il m'a donné. J'entends le loup, le renard chanter. Ah, un vieillard, il m'a donné. Qui n'entend point le jeu d'aimer. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. Qui n'entend point le jeu d'aimer. J'entends le loup, le renard chanter. Qui n'entend point le jeu d'aimer. Ah, s'il me barre, je m'en irai. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. Ah, s'il me barre, je m'en irai. J'entends le loup, le renard chanter. Ah, s'il me barre, je m'en irai. Je m'en irai au bois jouer. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. Je m'en irai au bois jouer. J'entends le loup, le renard chanter. Je m'en irai au bois jouer. Je m'en irai au jeu d'aimer. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. Je m'en irai au jeu d'aimer. J'entends le loup, le renard chanter. Je m'en irai au jeu d'aimer. Avec des gentils écoliers. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et l'alouette. J'entends